¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. sino cielo. Pour les algues, pour les poissons, et si les moissons de la terre meurent dans les sillons. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. vieux Paris, j'écris cette chanson pour toi. C'est la millième au moins. Tu es vexé, je vois. T'as l'air de dire qu'on t'a chanté 10 fois plus que ça. Mon vieux Paris, je crois qu'on t'a trop fait la fête. Permets-moi de te dire que t'as la grosse tête. Moi, si j'étais ta mère, je t'aurais pas gâté comme ça. Dégonflé ma parole, mais tu te prends pour qui? À te voir, on dirait que tu te prends pour Paris. Je te signale que tous les chemins mènent à Rome. Mon bonhomme, t'es pas seul, mon bonhomme a brillé. On t'envoie trop de fleurs, on te trouve de l'esprit. Tu trouves ça normal, tu ne dis plus merci. Moi, si j'étais Lutèce, je ne t'aurais pas fait Paris. Un chauffeur de taxi m'a dit il va pleuvoir. Et toi, tu l'as mal pris, fallait voir tes trottoirs. Furieux, luisant, glissant, glacé comme des miroirs. T'as un sale caractère, t'es toujours en hiver. Tu joues à la jeunesse, mais tout ça n'empêche pas que t'as bien connu Saint-Louis, vieux Paris d'aujourd'hui. Nota la diferencia, es Radio Acupé. La mejor música para usted. We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mm-hmm.